La vénération et le regret des peuples progressistes du monde pour le général Kim Jong-il deviennent de plus en plus ardents au fil des jours. Les personnalités de divers pays et d'une institution internationale, notamment le secrétaire du comité du Parti communiste sud-africain pour la province d'Umphumalanga, le président de l'Association britannique d'études de la politique de Sengun et le président de la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique ont noté dans leur message comme ce qui suit. Le camarade Kim Jong-il a défendu le socialisme coréen par la politique de Sengun originale. Ses exploits accomplis pour la révolution coréenne et l'humanité brillent aujourd'hui aussi et encouragent la lutte des forces anti-impérialistes du monde contre l'agression, la menace et l'ingérence de l'impérialisme. Les participants à la cérémonie de constitution du Comité international pour le souvenir du grand dirigeant Kim Jong-il ont souligné que le dirigeant coréen ayant les qualités exceptionnelles depuis son enfance était versé dans tous les domaines scientifiques, notamment la philosophie, pour ainsi développer les idées du Juche créées par le président Kim Il-sung.